Chapitre 14. Le secret. Je suis passé une fois encore sous sa fenêtre. La vitre est toujours poussiéreuse et blanchie par le double rideau qui est derrière. Yvonne de Galais l'ouvrirait-elle que je n'aurais rien à lui dire puisqu'elle est mariée. Que faire maintenant? Comment vivre? Samedi 13 février. J'ai rencontré sur le quai cette jeune fille qui m'avait renseignée au mois de juin, qui attendait comme moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Tandis qu'elle marchait, je regardais de côté les légers défauts de son visage. Une petite ride au coin des lèvres, un peu d'affaissement aux joues et de la poudre accumulée aux ailes du nez. Elle s'est retournée tout d'un coup et me regardant bien en face, peut-être parce qu'elle est plus belle de face que de profil, elle m'a dit d'une voix brève « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour autrefois à Bourges. Il était même mon fiancé. » Cependant, à la nuit pleine, sur le trottoir désert et mouillé qui reflète la lueur d'un bec de gaz, elle s'est approchée de moi tout d'un coup pour me demander de l'emmener ce soir au théâtre avec sa sœur. Je remarque pour la première fois qu'elle est habillée de deuil, avec un chapeau de dame trop vieux pour sa jeune figure, un haut parapluie fin, pareil à une canne. Et comme je suis tout près d'elle, quand je fais un geste, mes ongles griffent le crêpe de son corsage. Je fais des difficultés pour accorder ce qu'elle demande. Fâchée, elle veut partir tout de suite, et c'est moi maintenant qui la retiens et la prie. Alors un ouvrier qui passe dans l'obscurité plaisante à mi-voix « N'y va pas, ma petite, il te ferait mal !» Et nous sommes restés, tous les deux, interdits. Au théâtre, les deux jeunes filles, mon amie qui s'appelle Valentine Blondeau et sa sœur, sont arrivées avec de pauvres écharpes. Valentine est placée devant moi. À chaque instant, elle se retourne, inquiète, comme se demandant ce que je lui veux. Et moi, je me sens près d'elle presque heureux. Je lui réponds chaque fois par un sourire. Tout autour de nous, il y avait des femmes trop décolletées, et nous plaisantions. Elle souriait d'abord, puis elle a dit « Il ne faut pas que je rie. Moi aussi, je suis trop décolletée. » Elle s'est enveloppée dans son écharpe. En effet, sous le carré de dentelle noire, on voyait que dans sa hâte à changer de toilette, elle avait refoulé le haut de sa simple chemise montante. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril. Il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. Près d'elle, le seul être au monde qui ait pu me renseigner sur les gens du domaine, je ne cesse de penser à mon étrange aventure de jadis. J'ai voulu l'interroger de nouveau sur le petit hôtel du boulevard, mais à son tour, elle m'a posé des questions si gênantes que je n'ai su rien répondre. Je sens que désormais nous serons tous les deux muets sur ce sujet. Et pourtant, je sais aussi que je la reverrai. À quoi bon? Et pourquoi? Suis-je condamné maintenant à suivre à la trace tout être qui portera en soi le plus vague, le plus lointain relent de mon aventure manquée? À minuit, seul, dans la rue déserte, je me demande ce que me veut cette nouvelle et bizarre histoire. Je marche le long des maisons pareilles à des boîtes en carton, alignées, dans lesquelles tout un peuple dort. Et je me souviens tout à coup d'une décision que j'avais prise l'autre mois. J'avais résolu d'aller là-bas en pleine nuit, vers 1 heure du matin, de contourner l'hôtel, d'ouvrir la porte du jardin, d'entrer comme un voleur et de chercher un indice quelconque qui me permît de retrouver le domaine perdu, pour la revoir, seulement la revoir. Mais je suis fatiguée, j'ai faim. Moi aussi, je me suis hâtée de changer de costume avant le théâtre, et je n'ai pas dîné. Agité, inquiet pourtant, je reste longtemps assis sur le bord de mon lit, avant de me coucher, en proie à un vague remords. Pourquoi? Je note encore ceci. Elles n'ont pas voulu ni que je les reconduise, ni me dire où elles demeuraient. Mais je les ai suivies aussi longtemps que j'ai pu. Je sais qu'elles habitent une petite rue qui tourne aux environs de Notre-Dame. Mais à quel numéro? J'ai deviné qu'elles étaient couturières ou modistes. En se cachant de sa sœur, Valentine m'a donné rendez-vous pour jeudi à 4 heures, devant le même théâtre où nous sommes allés. « Si je n'étais pas là demain, a-t-elle dit, revenez vendredi à la même heure, puis samedi, et ainsi de suite, tous les jours. » Jeudi 18 février, je suis parti pour l'attendre dans le grand vent qui charrie de la pluie. On se disait à chaque instant, il va finir par pleuvoir. Je marche dans la demi-obscurité des rues, un poids sur le cœur. Il tombe une goutte d'eau. Je crains qu'il ne pleuve, une averse peut l'empêcher de venir. Mais le vent se reprend à souffler et la pluie ne tombe pas cette fois encore. Là-haut, dans la grise après-midi du ciel, tantôt grise et tantôt éclatante, un grand nuage a dû céder au vent et je suis ici terré dans une attente misérable. Devant le théâtre. Au bout d'un quart d'heure, je suis certain qu'elle ne viendra pas. Du quai où je suis, je surveille au loin sur le pont par lequel elle aurait dû venir, le défilé des gens qui passent. J'accompagne du regard toutes les jeunes femmes en deuil que je vois venir et je me sens presque de la reconnaissance pour celles qui, le plus longtemps, le plus près de moi, lui ont ressemblé et m'ont fait espérer. Une heure d'attente. Je suis là. À la tombée de la nuit, un gardien de la paix traîne au poste voisin un voyou qui lui jette, d'une voix étouffée, toutes les ordures qu'il sait. L'agent est furieux, pâle, muet. Dès le couloir, il commence à cogner, puis il referme sur eux la porte pour battre le misérable tout à l'aise. Il me vient cette pensée affreuse que j'ai renoncé au paradis et que je suis en train de piétiner aux portes de l'enfer. De guerre lasse, je quitte l'endroit et je gagne cette rue étroite et basse, entre la Seine et Notre-Dame, où je connais à peu près la place de leur maison. Tout seul, je vais et viens. De temps à autre, une bonne ou une ménagère sort sous la petite pluie pour faire avant la nuit ses emplettes. Il n'y a rien ici pour moi, et je m'en vais. Je repasse, dans la pluie claire qui retarde la nuit, sur la place où nous devions nous attendre. Il y a plus de monde que tout à l'heure. Une foule noire. Supposition, désespoir, fatigue, je me raccroche à cette pensée. Demain. Demain, à la même heure, en ce même endroit, je reviendrai l'attendre. Et j'ai grand hâte que demain soit arrivé. Avec ennui, j'imagine la soirée d'aujourd'hui, puis la matinée du lendemain, que je vais passer dans le désœuvrement. Mais déjà, cette journée n'est-elle pas presque finie? Rentré chez moi, près du feu, j'entends crier les journaux du soir. Sans doute de sa maison perdue quelque part dans la ville, auprès de Notre-Dame, elle les entend aussi. Elle, je veux dire, Valentine. Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini, il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leur dernière force. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords. D'autres qui sont fatigués. Et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi, moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain ? Vendredi soir, j'avais pensé écrire à la suite, je ne l'ai pas revu, et tout aurait été fini. Mais, en arrivant ce soir à 4 heures, au coin du théâtre, la voici. Fine et grave, vêtue de noir, mais avec de la poudre au visage et une collerette qui lui donne l'air d'un Pierrot coupable, un air à la fois douloureux et malicieux. C'est pour me dire qu'elle veut me quitter tout de suite, qu'elle ne viendra plus. Et pourtant, à la tombée de la nuit, nous voici encore tous les deux, marchant lentement, l'un près de l'autre, sur le gravier des Tuileries. Elle me raconte son histoire, mais d'une façon si enveloppée que je comprends mal. Elle dit « mon amant » en parlant de ce fiancé qu'elle n'a pas épousé. Elle le fait exprès, je pense, pour me choquer et pour que je ne m'attache point à elle. Il y a des phrases d'elle que je transcris de mauvaise grâce. « N'ayez aucune confiance en moi, dit-elle, je n'ai jamais fait que des folies. J'ai couru les chemins toute seule. J'ai désespéré mon fiancé, je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop, il ne me voyait qu'en imagination et non point telle que j'étais. Or, je suis pleine de défauts, nous aurions été très malheureux. » À chaque instant, je la surprends en train de se faire plus mauvaise qu'elle n'est. Je pense qu'elle veut se prouver à elle-même qu'elle a eu raison jadis de faire la sottise dont elle parle, qu'elle n'a rien à regretter et n'était pas digne du bonheur qui s'offrait à elle. Une autre fois, « Ce qui me plaît en vous, m'a-t-elle dit en me regardant longuement, ce qui me plaît en vous, je ne puis savoir pourquoi, ce sont mes souvenirs. » Une autre fois, « Je l'aime encore, disait-elle. « Plus que vous ne pensez. » Et puis soudain, brusquement, brutalement, tristement, « Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous m'aimez, vous aussi? Vous aussi, vous allez demander ma main ?» J'ai balbutié. Je ne sais pas ce que j'ai répondu. Peut-être ai-je dit « Oui ». Cette espèce de journal s'interrompait là. Commençaient alors des brouillons de lettres, illisibles, informes, raturés. Précaires fiançailles. La jeune fille sur la prière de Maulne avait abandonné son métier. Lui s'était occupé des préparatifs du mariage, mais sans cesse repris par le désir de chercher encore, de partir encore sur la trace de son amour perdu. Il avait dû sans doute plusieurs fois disparaître, et dans ses lettres, avec un embarras tragique, il cherchait à se justifier devant Valentine.